révolution et liberté. Révolution et liberté. Bienvenue sur les Cahiers Libertaires, l'émission du blog Révolution et Liberté. Révolution et Liberté est un blog anarcho-communiste. Nous allons aborder dans cet sixième épisode le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Donc, selon le ministère de l'Intérieur, les pourcentages au niveau des votes sont pour Emmanuel Macron 23,78%, Marine Le Pen 21,4%, Fillon 19,92% et Mélenchon 19,23%. La défaite de Fillon sonne celle d'une défaite du libéralisme le plus conservateur. Cela sonne le glas pour celui qui a été pris dans de nombreuses affaires politico-financières. De nombreux sarkozystes et juppéistes ont quitté le navire pour aller voter Emmanuel Macron. La crise interne au sein des Républicains devrait recommencer dans les prochains jours. Selon Marianne, François Fillon risque de subir les pressions de son propre camp, notamment avec une possible exclusion temporaire. La fraternité chez l'extrême droite libérale donne envie de rire. Quant à Hamon, le petit fait à peine 6,5% des voix. Le Parti socialiste est en voie de passoquisation. On constate qu'il s'agit de la faillite des primaires. Aucun des deux candidats n'a été au second tour cette année. Concernant Mélenchon, on constate que, malgré une très belle campagne, celui-ci échoue au pied du podium. Il récolte tout de même 19% des suffrages, soit une augmentation de 8% en 5 ans. La gauche radicale a besoin de muscler encore plus son discours pour atteindre le deuxième tour. Elle échoue à 2% des votes. La fameuse étude filatrice montre également que comment le Figaro et Valeurs Actuelles et compagnie se sont moqués des électeurs de droite pour vendre leurs journaux et magazines. Les sondages ont relativement bien fonctionné, malgré la critique qu'ils ont pu subir par de nombreuses personnes. En conséquence de ces résultats, le second tour opposera l'élection présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On entend déjà au loin les appels d'un vote concernant le Front Républicain. Pardon, vous avez dit Front Républicain. Le Front Républicain ne fonctionne plus et ne marche plus. Alors la question de la République passera par l'opposition entre le camp des travailleurs et celui du patronat. Le Front du patronat contre le Front du travail permet de mettre en dynamique la question de la lutte des classes. Marine Le Pen ou Emmanuel Macron sont les candidats d'une bourgeoisie rance, d'une vision patronale hybride ou de différents projets mortifères pour les travailleurs. Les travailleurs ne peuvent ni voter Emmanuel Macron ni voter Marine Le Pen. En conséquence, il reste trois possibilités, soit l'abstention, le vote nul ou le vote blanc. C'est ce que Révolution et Liberté appellent comme condition de vote ou de non-vote pour le second tour. En conséquence, il ne faut pas se leurrer. Emmanuel Macron risque d'être élu à la présidence de la République. Si le vote de leur candidat ne signifie pas pour autant une majorité à l'Assemblée nationale, avec l'addition de l'ensemble des votes des conservateurs et libéraux, Emmanuel Macron possède une large majorité pour faire sa politique à coup d'ordonnance et le fameux blitzkrieg que Fillon rêvait, mais cela autour d'une vision progressiste. Jeter les travailleurs à la rue, de leur logement, leur couper leur vivre, c'est le modernisme qu'il appelle le progrès selon la bande à Macron. Cette politique, peu ou pas démocratique, est le fruit de ceux qui ont créé la Ve République, dont un ancien général maurassien. Cela signifie que le corps du travail subira une pression inestimable de la part de ceux qui sont aux côtés du patronat. Emmanuel Macron entend poursuivre les politiques issues de la loi El Khomri. Cela permet de prévenir que le camp du travail doit se préparer dès maintenant un mouvement social de grande ampleur. En effet, le programme d'Emmanuel Macron, c'est le programme du chômage des actionnaires ou celui de la paupérisation généralisée comme François Fillon. Emmanuel Macron, c'est le mixte entre François Hollande et François Fillon, une politique de la terre brûlée qui correspond aux exigences du MEDEF. En conséquence, il faut comprendre que le néolibéralisme est la conséquence du fascisme. Macron est le meilleur vote pour Marine Le Pen en 2022. Il existe un lien entre le néolibéralisme et le fascisme. Le fascisme mène toujours une politique néolibérale, comme on l'a vu sous Pinochet. Cette émission est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne semaine et la lutte des classes continue. Au revoir.